So tonight I'm going to continue to speak from where we left off. And where we left off was we had talked about the four kinds of objects that arise, the physical objects of kaya, feelings, pleasant, unpleasant, painful, and so on, and mental activity and general objects. Alors aujourd'hui, je vais continuer à partir de l'endroit d'où je m'étais arrêté, hier. Donc hier, on était en train de parler des quatre types d'objets qui apparaissent. Les objets physiques, kaya, les objets qui appartiennent aux sensations, sensations agréables, désagréables, les objets qui appartiennent à l'activité mentale et les objets généraux tels que voir, entendre, sentir, toucher, goûter, etc. Lorsque l'on observe le soulèvement et l'abaissement, nous devons tenter de saisir le mouvement et ensuite de maintenir l'attention du début à la fin. Et lorsque nous sommes à l'interview, nous devons pouvoir dire si nous avons été capables d'observer de près l'objet et de maintenir notre attention, notre esprit, depuis du début à la fin. Et si oui, il faut pouvoir dire ce que nous avons appris, ce que nous avons observé. Il en va de même pour la méditation en marche. Là, on porte notre attention au pied ou alors à la partie inférieure de la jambe ou alors à toute la jambe. Et on note soit marcher, ou alors pas gauche, pas droit, pas gauche, pas droit, ou alors lever, avancer, placer. Et il faut essayer de saisir ce mouvement à partir du tout début. Et puis, il faut se poser la question, lorsqu'on est à l'interview, est-ce qu'on a été capable de le faire? Est-ce qu'on a été capable d'observer de près ce mouvement en maintenant l'attention du début à la fin? Et ensuite, si on a été capable de le faire, il faut pouvoir dire ce qu'on a appris. Est-ce qu'on a vu la forme du pied? Est-ce qu'on a vu sa position? Ou alors est-ce qu'on a vu des qualités comme par exemple de la légèreté, de la lourdeur, de la raideur, une sensation de poussée? Quel que soit l'objet que l'on remarque, nous devrions être capables de mentionner une de ces trois façons de voir l'objet mentalement. Donc soit la forme, soit la manière, soit les qualités. Donc pour le soulèvement et l'abaissement, la manière par exemple, c'est l'abdomen est étendu ou effondré. Pour les qualités, c'est la lourdeur, la légèreté, etc. Mais pour être capable d'observer de cette façon, pour être capable, pardon, d'observer cela, il nous faudra observer attentivement. Donc dans le cas du lèvement du pied, nous devons essayer de saisir ce mouvement vers le haut à partir du tout début, et puis de suivre jusqu'à la toute fin de ce mouvement vers le haut. Ensuite, le pied va vers l'avant. Sommes-nous capables de le saisir dès le début et de le suivre jusqu'à la fin? Et si oui, que voyons-nous? Voyons-nous la forme? Ou alors voyons-nous l'action de bouger vers l'avant, la manière de bouger vers l'avant? Ou alors est-ce que nous ressentons que le pied est comme poussé par derrière ou tiré par devant, dans auquel cas on percevrait des qualités physiques? Et si on observe attentivement, précautionneusement, on pourra voir cela. À propos du moment où l'on pose le pied, dès l'instant où celui-ci commence à aller vers le bas, dès l'instant où le mouvement vers l'avant s'arrête et que le mouvement vers le bas commence, sommes-nous capables de saisir cet instant? On appelle donc placement le moment où le pied commence à aller vers le bas et jusqu'à ce qu'il soit complètement placé. Si nous parvenons à observer ce mouvement, que remarquons-nous? Voyons-nous la forme? Voyons-nous la position du pied qui est placé? Ou alors percevons-nous que le pied devient lourd? Ou alors percevons-nous de la mollesse ou de la tension ou de la dureté? Et donc le yogi devrait être capable d'observer de cette façon. Alors, jusqu'à présent, donc, nous avons parlé cette façon donc de parler à propos de sa pratique est très importante. Cette façon de pouvoir rendre compte à l'interview de sa pratique est très importante. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'objet primaire au moment de la méditation assise et au moment de la méditation en marche, bien que je devrais aussi mentionner pour la méditation en marche la posture debout à la fin de la piste de marche et le moment où on tourne le corps. Donc la plupart des gens comprendront la façon dont il faut faire un rapport donc au moment de l'interview, mais peut-être certains n'y parviendront pas. Mais il y a d'autres objets qui apparaissent au cours de la méditation, comme par exemple étendre, replier, se pencher, lever la tête, s'asseoir, aller par exemple au fond de la salle pour s'asseoir sur une chaise. Chaque fois que quelque chose, qu'une autre action, un autre objet apparaît ainsi, sommes-nous capables de l'observer? Sommes-nous capables d'être synchronisés avec l'objet? Est-ce que notre observation atteint l'objet? Et si elle l'atteint, qu'observe-t-elle? Que remarquons-nous? Il est important donc d'être capable de décrire ce que l'on fait d'une part, et aussi, si on observe ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on a appris par cette observation? Donc nous devrions être en mesure de parler de l'objet primaire lors de l'entrevue et nous devrions être capables de nous concentrer, de concentrer notre esprit sur le mouvement du début à la fin. Souvent, lors de l'entrevue, le yogi va passer outre l'objet primaire et commencer à parler d'autres choses qu'il a remarquées. Mais l'observation de l'objet primaire, c'est le principal, c'est notre tâche principale, et donc il faut pouvoir en parler. Il y a quelques vers ici que Sayali m'a donné donc pour se souvenir comment pratiquer et comment rendre compte de son expérience lors de l'entrevue. En Birmanie, on chante ces vers avant chaque enseignement. Donc, parlez-moi du soulèvement. Comment avez-vous noté et qu'est-ce que vous avez appris? Parlez-moi de l'abaissement. Comment avez-vous noté et qu'avez-vous appris? Objet, noté, qu'est-ce qui est su? Ces trois points sont essentiels. Incluez ces trois, précisément, clairement, pour chaque objet vu. Êtes-vous capable de suivre de près, précisément au moment où l'objet surgit, avec constance, de façon synchronisée? Êtes-vous capable de noter ou non? Si vous en êtes capable, dites ce que vous savez, ce que vous avez su, complètement, honnêtement. Si vous n'en êtes pas capable, quoi que ce soit qui est arrivé, dites comment vous avez noté, comment vous avez su, ce que vous avez su, pardon. À présent, j'aimerais bien parler des trois caractéristiques. Tous les yogis devraient comprendre de quoi il s'agit. Tous les objets qui apparaissent ont ces trois caractéristiques. En pali, on appelle ça lakana, les caractéristiques. Il y en a trois, sabhava lakana, la véritable nature, sankata lakana, la nature momentanée, et samanya lakana, la caractéristique commune. Donc, comme je l'ai dit, sabhava lakana, c'est l'essence ou la qualité unique de chaque phénomène, de chaque événement physique ou mental. Et je vais d'abord parler donc de l'aspect physique. Alors, donc pour l'aspect physique, sabhava lakana, la véritable nature, il y a les quatre éléments. D'abord la terre, patavi dhatu. On peut ressentir cela dans le corps, par exemple quand on ressent un endroit osseux, ou qu'on ressent de la fermeté, de la dureté, ou alors à l'inverse, de la douceur lorsqu'il y a moins d'élémentaires. Et cette qualité n'est trouvée que dans la terre. Donc lorsqu'on sent la dureté ou la douceur, ou la mollesse, on sait que c'est de la terre, que c'est la terre, bien qu'on ne doive pas noter de cette façon. L'élément du feu, Tejo Dhatu, on devrait plutôt dire l'élément de la température, même si on le traduit par feu, en réalité il s'agit de la chaleur, mais aussi de la fraîcheur, et donc on devrait le traduire plutôt par température. Et on ne ressentira pas, par exemple, la dureté ou la fermeté lorsqu'on percevra l'élément feu. L'élément eau, apodatu, c'est la qualité de ce qui coule. Aussi, on peut le ressentir comme solidité, comme adhésion ou comme cohésion. L'élément air, vayodhatu, on le ressent comme la raideur, comme la tension, comme ce qui pousse, etc. Et ces qualités, on ne les trouvera pas dans les autres trois éléments. Donc, de cette façon, on peut reconnaître ces éléments dans notre expérience. Alors, les phénomènes mentaux aussi ont leur qualité individuelle, sabhava lakana. Par exemple, la qualité de connaître un objet, c'est une qualité mentale, connaître l'objet. Il y a aussi le contact, passa, qui accompagne l'esprit et qui colore donc l'esprit. Il y a aussi vedana, le ressenti, la qualité d'expérimenter l'objet. À nouveau, Vedana va colorer l'esprit. Donc, les phénomènes physiques et mentaux ont tous des caractéristiques individuelles qui leur sont uniques chaque fois. Alors, la deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la caractéristique momentanée. Donc on vient de parler des caractéristiques uniques, sabhava lakana, de la chaleur, du froid, de la dureté, de la raideur, de la tension, ou alors mental, le fait de savoir, de sentir, le contact, etc., les véritables natures. Et tous ces phénomènes ont un début, un milieu et une fin. Ou bien on dit aussi un moment où ils apparaissent, une durée ensuite où ils perdurent, un moment où ils perdurent, et finalement un moment où ils se dissolvent. En pali, c'est upada, titi et banga. Et cette façon dont les phénomènes sont marqués par un début, un milieu et une fin, c'est ce qu'on appelle la caractéristique momentanée. Et pourquoi est-ce que les phénomènes ont cette caractéristique? C'est parce que ils apparaissent en vertu de cause. Alors la troisième caractéristique, c'est la caractéristique commune. Tous les phénomènes physiques et mentaux ont cette caractéristique en commun, c'est-à-dire que après être apparus, ils disparaissent. Donc La dureté, la douceur, le fait de couler, de fondre, de coller, la vision, le contact, la sensation, tous ces phénomènes apparaissent et ensuite disparaissent. Il n'y a rien qui apparaît pour ensuite rester tel qu'il est. Cette caractéristique est donc partagée par tous les phénomènes composés. Donc le fait que ces phénomènes apparaissent pour disparaître ensuite, c'est donc anicca lakana, la caractéristique de l'impermanence. Et ce qui apparaît pour ensuite disparaître, on ne peut pas dire que ce soit bon. En réalité, c'est insatisfaisant. Et donc, tous ces phénomènes partagent aussi cette caractéristique de dukkha, lakana, le caractère insatisfaisant des choses. Aussi, quelque chose qui apparaît pour ensuite disparaître le fait en fait par lui-même, en vertu de cause. Ces phénomènes suivent leur propre processus, ont leur propre nature et ils ne sont pas sous contrôle. Alors, bien que ces trois caractéristiques existent et que nous devions les connaître, ce que nous faisons au cours de la méditation, c'est observer sabhava lakana, donc la véritable nature. Et comment est-ce que nous pouvons parvenir à observer la véritable nature et la connaître? C'est en observant les phénomènes au moment précis où ils apparaissent. Comment donc observer sabhava? On place son attention sur l'abdomen et lorsque le soulèvement se produit, on dit « Oh, le soulèvement se produit ». Avant qu'il ne se produise, il n'était pas apparu. C'est la même chose pour l'abaissement. Il y a d'abord une montée et puis seulement l'abaissement se produit. Donc c'est un autre slogan vipassana, noté au moment où le phénomène se produit. Si nous ne notons pas au moment où le phénomène se produit, nous ne connaîtrons pas sabhava, la véritable nature, et nous ne connaîtrons sans doute même pas la forme. Et lorsque donc nous parvenons à observer ces phénomènes suffisamment fréquemment au moment où ils se produisent, la concentration se renforce et on commence à voir la véritable nature. Et lorsque la concentration est suffisamment forte, on ne verra plus la forme. On verra seulement les raideurs, les vibrations, le mouvement, etc. Il en va de même pour l'abaissement. On le percevra comme un ballon d'air qui est dégonflé subitement et qui perd sa tension. Il en va de même à la marche pour lever le pied, placer le pied. Nous devrions observer chaque partie. Par exemple, lorsqu'on lève le pied, les minuscules derniers mouvements vers le haut, jusqu'à ce que ce mouvement vers le haut s'arrête, nous devrions les percevoir. Et puis l'abaissement du pied, jusqu'à ce qu'il soit entièrement placé. Et donc, En observant ainsi, nous verrons tous les petits moments de très près, tous les petits moments du mouvement. Qu'est-ce qui va se passer lorsque nous observerons de cette façon? Ce n'est pas le professeur qui va le dire, mais par contre le professeur va vous dire comment, il va tenter de vous expliquer comment regarder. C'est comme pour un problème de mathématiques, un professeur de maths ne va pas vous dire comment solutionner l'équation, il va vous dire d'essayer de la solutionner par vous-même. Donc c'est ainsi qu'on observe l'objet primaire, mais c'est aussi ainsi qu'on doit observer tous les autres objets qui se produisent, et ici donc il y a une longue énumération qui commence, se replier, pencher, cligner des yeux, fermer les yeux, ouvrir les yeux, s'asseoir, se lever, mais aussi la dureté, la douceur, les douleurs, les engourdissements, les chatouillements, etc. etc. Donc la tâche de base, c'est d'observer le moment où les choses apparaissent, que ce soit une vision, que ce soit une audition, que ce soit un toucher, de la chaleur, du froid, de la raideur. C'est la tâche principale. Et ainsi, on pourra voir la véritable nature. Si nous voulons connaître toutes les actions que nous accomplissons, il faut les noter au moment où elles apparaissent. Entendre, voir, sentir, goûter, étendre, replier, pencher, dresser la tête, lever le pied, avancer, placer, s'asseoir, se mettre debout, étendre, replier, etc. Il y a aussi, avant de s'asseoir, avant de se mettre debout, l'intention de se lever, l'intention de s'asseoir. Si nous parvenons à observer tous ces phénomènes au moment où ils se produisent, nous les connaîtrons complètement, nous connaîtrons complètement leur nature. Donc, lorsque nous méditons, nous en venons à connaître Sabhava, la véritable nature. C'est comme cette brochure, si vous la regardez, vous la verrez. Vous verrez si elle est ouverte ou fermée. Vous verrez donc sa position. Il en va de même avec la méditation. Essayez de saisir le moment d'apparition de plus en plus. Et votre connaissance va graduellement acquérir de la maturité, mûrir. Et au moment où vous verrez la véritable nature des phénomènes, vous commencerez aussi à voir que ces phénomènes ont un début, une durée et puis une fin. C'est la caractéristique momentanée. Et celle-ci ne devient perceptible que lorsque l'on voit Sabhava, la véritable nature. Et pour voir Sabhava, il faut donc observer les phénomènes au moment où ils apparaissent. Donc lorsque la véritable nature devient apparente, l'aspect momentané devient apparent. Et lorsque la dissolution apparaît, lorsque l'on commence à percevoir la dissolution, on commence à comprendre aussi l'impermanence. Et par le fait même qu'on comprend l'impermanence des choses, on voit leur manque de fiabilité, leur caractère insatisfaisant, et aussi le fait que les choses se comportent selon leur propre nature. À moins que l'on voie les apparitions et les disparitions des objets, on ne peut pas comprendre ces caractéristiques-là, on ne peut pas comprendre Samanya Lakana. Les trois se produisent l'une à la suite de l'autre. On voit d'abord la caractéristique propre, ensuite sur cette base la caractéristique momentanée, et enfin on voit la caractéristique commune. Donc d'abord Sabhava Lakana, ensuite Sankata Lakana et enfin Samanya Lakana. Donc si vous êtes capable de noter le soulèvement et l'abaissement, et puis l'apparition et la disparition de celui-ci, vous pourrez noter les caractéristiques communes d'impermanence, et c'est à partir de ce moment-là que Vipassana débute réellement, lorsque l'on est capable de noter donc les caractéristiques communes. Donc ça, c'est la signification de Vipassana, c'est-à-dire la connaissance qui nous permet de voir la façon dont les choses sont réellement. C'est-à-dire que nous voyons que les choses apparaissent et disparaissent, nous voyons leur impermanence, nous voyons leur caractère insatisfaisant et nous voyons qu'elles sont hors contrôle. Après que la connaissance Vipassana démarre, donc à ce stade, elle va mûrir graduellement jusqu'à ce que finalement nous atteignions le chemin, la connaissance du chemin et que nous réalisions Nibbana. Et donc cette connaissance est susceptible de nous libérer de la souffrance. Ce Dhammatok, cet enseignement, visait à paver la route pour que ce à quoi vous n'êtes pas encore familier devienne plus familier. Donc lorsque vous parlerez au professeur de votre expérience, dites simplement comment vous avez observé l'objet et ce que vous en êtes venu à savoir. Dites simplement ce que vous avez appris par vous-même et ne dites pas ce que vous avez éventuellement lu ou ce que vous pensez pourrait être vrai, je veux dire ce que vous imaginez. Pour résumer donc les deux dernières soirées d'enseignement, il y a quatre choses qu'on observe au cours de la pratique. Il y a le corps, kaya, il y a les ressentis, vedana, l'esprit, chitta, et les autres objets, dhamma, comme voir, entendre, sentir, etc. Il y a trois choses à dire à propos de ces quatre objets, de ces quatre catégories. D'abord, qu'est-ce qui est apparu? Ensuite, comment est-ce qu'on l'a noté? Et enfin, qu'est-ce qu'on en est venu à savoir? Ce sont les trois choses dont il faut dire au moment de l'entrevue au professeur. L'objet qui apparaît, c'est pas notre problème, puisque on n'a pas de contrôle là-dessus, on n'est pas capable de faire apparaître un objet. Par contre, notre responsabilité, c'est de l'observer, d'observer l'objet qui apparaît, quel qu'il soit. And lastly, I hope that all of you will be able to make effort to walk the correct path according to the guidance given here so that you reach the right destination and be able to practice satipatthana because it expands the mind and increases our knowledge. And with this we can get a lot of benefit for having been born a human being, which is not easy to have, and to meet up with the teachings of the Buddha, which are rare to find. Deux dernières choses. Donc, il y a une limite de temps pour les entrevues. Ici, c'est pas très important parce qu'on n'est pas très nombreux, donc c'est pas très important. Mais lorsqu'il y a plus de monde, il faut être capable de sélectionner ce qu'on va dire, pour ne pas dépasser par exemple 10 minutes, pour dire l'essentiel en 10 minutes. Alors deuxième chose, j'espère que vous serez tous capables de fournir l'effort pour parvenir sur le juste chemin et arriver à la juste destination, et que vous serez capables de pratiquer Satipatthana, cette méthode qui permet d'agrandir l'esprit et d'augmenter la connaissance. Il y a beaucoup de bénéfices à retirer de cette pratique, et nous devrions nous réjouir d'être nés humains déjà, parce que c'est pas évident, et ensuite d'être entré en contact avec l'enseignement du Bouddha, ce qui n'est pas gagné du tout non plus. May you gain the knowledge and the good things that you so desire, especially Nibbana. Please say sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Puissiez-vous acquérir la connaissance et ce que vous désirez, c'est-à-dire Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.